une histoire particulière. Hier, dans le premier épisode de notre histoire du week-end, nous étions au XIIe siècle, en compagnie de Romain Weber, Laurent Polleret et nos amoureux Héloïse et Abélard. En 1117, Héloïse n'a que 17 ans, lorsque son oncle la confie à Pierre Abélard, brillant professeur de philosophie et de théologie qui enseigne à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Leur histoire ne reste pas longtemps platonique entre le professeur, âgé de 36 ans, et la jeune nonne. La passion les inspire et les pousse l'un vers l'autre. Le maître et l'élève s'aiment envers et contre tous. La passion charnelle les consume, bien loin des enseignements reçus par chacun d'eux. C'est le début d'une histoire sulfureuse. Hélas, le scandale de leur relation va finir par éclater. Toi seul est la cause de ma souffrance. Tu es le seul qui puisse me réjouir ou me consoler. Mais tu es aussi le seul qui me le doive autant. Est-ce que je n'ai pas suivi à la lettre tout ce que tu as commandé? J'ai même si bien tenu ma promesse que pour ne jamais vouloir t'offenser en rien, j'en vins sur ton ordre à me perdre moi-même. Sœur, autrefois chère dans le siècle, maintenant très chère dans le Christ, tu dois toujours te souvenir dans tes prières de celui qui est tien. Écoute, je t'en prie, avec l'oreille du cœur, ce que plus souvent tu as entendu avec l'oreille du corps. Héloïse et Abélard, histoire de leur malheur. Laurent Polleret, Romain Weber. Deuxième épisode, la foi en partage. Annie Cazeneuve, oui. Qu'est-ce que ça change à la vie d'Abélard, cette castration? Ça le change, physiquement c'est évident, mais à mon avis ça le change aussi mentalement, intellectuellement. Ce que je trouve surprenant, c'est que ça a beau être une vie dans ce qui était une vie de petite ville finalement, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que les étudiants d'Abélard sont tout de suite au courant, donc il y a quelqu'un qui s'est chargé de propager la nouvelle, et ils viennent gémir devant sa maison, etc. Donc Abélard se réfugie à l'abbaye de Saint-Denis, au moins ses plaies sont cicatrisées. Et donc, il devient moine, si vous voulez. Sylvain Piron, comment est-ce qu'il réagit, Abélard, à cette émasculation? Abélard, tout simplement, ne voit pas d'autre possibilité que de devenir moine. C'est une entrave totale à une vie civile, c'est une entrave à une carrière de clerc séculier. On ne peut pas devenir prêtre si on a des handicaps de ce genre. Et il ne voit comme solution que de rentrer au monastère de Saint-Denis, qui est le plus proche de Paris. Mais ce qu'il fait, et ce qui est choquant pour Héloïse, c'est qu'il veut qu'Héloïse prenne le voile la première. C'est aussi une chose qui est tout à fait classique pour un couple marié, les époux. La seule façon de rompre un mariage, c'est quand les deux époux décident de rentrer en religion l'un et l'autre. Alors qu'Héloïse vraiment mettait beaucoup d'importance à se sacrifier volontairement, et donc elle était prête à elle-même prendre le voile dans un grand geste tragique. Le reproche le plus important qu'elle fait à Abélard, c'est qu'Abélard l'a contrainte à prendre le voile. Elle aurait voulu se sacrifier et il l'oblige à se sacrifier. Donc elle lui reproche de lui avoir enlevé cette liberté-là. Mais pourquoi est-ce qu'elle accepte? Parce qu'elle n'a pas le choix non plus. Là, dans sa situation, elle n'a plus du tout le choix. Si Abélard rentre en religion, elle doit rentrer en religion aussi. La question, c'est dans quel ordre ça se fait. D'accord. Et si vous voulez, c'était son destin, en quelque sorte, de devenir religieuse. Mais elle aurait voulu l'assumer autrement, d'une autre manière. Quelles que soient les circonstances, Dieu le sait. J'ai toujours plus craint de t'offenser, toi, que Dieu, car j'aspire à te plaire à toi bien plus qu'à lui. C'est sur ton commandement que j'ai pris l'habit religieux. Ce n'est pas l'amour divin qui m'y a entraîné. Charles-François Valkener, qu'est-ce que la castration change à la relation entre Héloïse et Abélard? Ça change qu'ils prennent des voies différentes, c'est-à-dire qu'ils abandonnent leur vie maritale. Enfin, ils se lancent, entre guillemets, chacun de leur côté, dans les ordres. C'est-à-dire que Héloïse rentre au couvent d'Argenteuil, où elle avait probablement passé une partie de sa jeunesse, et dont elle deviendra rapidement la prieure. Et Abélard rentre à l'abbaye, devient un moine de Saint-Denis, avec les aventures qui vont suivre, Saint-Gildas de Ruy et compagnie. Donc c'est un virage important qui les concerne, et qui fait qu'ils n'auront plus de vie maritale, avec probablement, au moins au début du temps d'Argenteuil, des rencontres qui ont pu laisser la place à des rapports, disons, normaux entre époux, mais ça n'est pas absolument prouvé. Abélard, qu'est-ce que c'est son ambition avant sa castration? On dit qu'il pensait qu'il serait évêque. À mon avis, Abélard, il est évidemment, et c'est clair, il a la passion d'enseigner. Il a la passion de la recherche. Il lui faut des étudiants autour de lui. Je pensais à Abélard en voyant arriver Roland Barthes dans un colloque. C'était quelque chose. Vous voyez tous les effets arriver avant lui et Roland, le Seigneur arriver ensuite et s'installer. Et je pense que c'était ça, vous voyez. N'oubliez pas que les étudiants, ils sortaient tout juste de l'adolescence. Enfin, c'était... Et avec la castration, il doit renoncer à cette carrière? Eh oui. Oui, effectivement. D'abord, il faut qu'il se rétablisse. Donc, il est abrité à Saint-Denis. Il n'aurait plus eu d'étudiants. Enfin, c'était la ruine. C'était le déshonneur d'abord et la ruine ensuite. Alors, c'est pourquoi je vous dis, il a un caractère impossible, parce que il est hébergé à Saint-Denis, soigné à Saint-Denis, et au lieu de rester tranquille, il recommence. Alors, à Saint-Denis, c'était, je vous rappelle, l'abbaye royale, et qui était construite autour de Saint-Denis, que l'on disait être celui qui est dans l'évangile, qui était d'abord évêque, et qui était venu ensuite à évangéliser la Gaule. Donc c'était l'équivalent de Saint-Jacques à Compostelle ou de Saint-Pierre à Rome. Et Abélard va leur dire, oui, mais c'est pas le même, parce que l'un est évêque de Corinthe et l'autre évêque d'Athènes, et c'est pas possible, votre martyr n'est pas le martyr auquel vous croyez. Alors c'est un scandale abominable, il casse tout. C'est quelqu'un qui a une haute idée de lui-même et qui ne peut pas s'empêcher de dire ce qu'il pense. Et il explique que le fondateur de Saint-Denis ne peut pas être celui qu'on croit. Il ne peut pas être le vrai Saint-Denis. Voilà. Il ruine le mythe de fondation de l'institution dans laquelle il appartient. Donc, il est préférable qu'il la quitte. Chaque fois qu'il a été quelque part, la passion de la vérité le menait. Et chaque fois, il détruisait les mythes et les légendes qui étaient construits par les gens autour de lui, évidemment. On lui en voulait profondément. Il a irrité tout le monde durant toute sa vie. Et il a gagné à la fin, d'ailleurs. Amandine Postec, encore un petit peu plus loin dans cette histoire de mes malheurs, Abélard fait part de sa décision de partir, de quitter la vie de moine à Saint-Denis, de venir se réfugier en ermite. Qu'est-ce qu'il dit à cet endroit-là? Ego itaque ad solitudinem quamdam in trecensi pago mici anteam cognitam me contuli. Ibique aquibus dam terra mici donata. Alors, ce qui est intéressant aussi, si vous voyez bien, il y a un petit mot en face, c'est de la main de Pétrarque. Dans la marge. Ça parle, voilà, en marge. Donc il reprend solitudo. Solitudo. Donc il a dû être marqué lui aussi par ce passage. Solitudo, ça veut dire quoi exactement? La solitude. La solitude. Et qu'est-ce qu'il dit, Abélard? Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Je partis me réfugier dans la solitude, dans une région de solitude, aux alentours du pays de Troyes, que je connaissais déjà. Et c'est ici que quelques personnes me firent don d'une terre. Et cette terre, elle s'appelle, en tout cas il va la baptiser, le Paraclet. Voilà. Martine et Charles-François Valkener, on est ici, entre Provins et Troyes, à côté de Nogent-sur-Seine. Vous êtes les propriétaires de cet endroit. C'est le site de l'ancienne abbaye du Paraclet, qui a été fondée par Abélard. Qu'est-ce que vous allez nous montrer ici? Alors, nous allons faire un tour, un circuit sur les lieux. Abélard est venu ici d'abord seul, ensuite suivi de ses élèves qui l'ont rejoint, puisqu'il était un des professeurs les plus prestigieux du monde universitaire de l'époque. Et il a écrit dans une de ses lettres qu'il a enseigné ses élèves dans des huttes de roseaux, dans les marécages de l'Ardusson. L'Ardusson qui est toujours là. Il n'y a plus beaucoup de marécages, évidemment, mais ils sont toujours présents. Madame Valkener, vous nous montrez le chemin de l'Ardusson? Oui, je vous emmène. L'Ardusson qui est... L'Ardusson qui est la rivière, qui traverse encore aujourd'hui la propriété, qui prend sa source à 25 km d'ici et qui se jette dans la Seine en amont de Nogent-sur-Seine. Cet Ardusson, Abélard en parle dans une de ses lettres. On va s'arrêter sur le pont un petit peu. Attention à vous. Quand est-ce que Pierre Abélard arrive ici? Alors, il arrive à ma connaissance quand il est chassé de l'abbaye de Saint-Denis par Sugère. Il vient se réfugier ici en ermite. Et je pense que c'est dans les années 1120, avant. Et il est ici, je crois, quand on lui propose de tenir abbé de Saint-Gildas-de-Ruisse, et il quittera cet endroit pour partir à Saint-Gildas-de-Ruisse depuis le Paraclet. Donc on est dans les années 1120, sa castration, on pense que c'est 1117, oui. Donc c'est quelques années après. Qu'est-ce qu'il vient faire ici, Pierre Abélard? Eh bien, il vient se réfugier en ermite. Il vient réfléchir, il vient creuser ses idées philosophiques, entre guillemets. Parce qu'on sait que ses étudiants venaient le rejoindre ici, donc parce que son enseignement leur manquait. Il avait une approche, je crois, de la foi catholique qui était assez novatrice. Et c'est pour ça que Saint-Bernard, d'ailleurs, s'est opposé à Abélard. On est donc dans les années 1120. Pierre Abélard se rend ici, dans cet endroit loin de Paris. C'est un marécage. Héloïse parle de bêtes sauvages qui vivent ici. Pourquoi ici? Bah ici, parce que c'est ici qu'on lui a donné Slopenter, au bord de la rivière l'Ardusson. Il est chez lui. Il a quitté l'île de France, donc il est en dehors de l'emprise de Saint-Bernard et de Sugère. Il est libre de penser et peut-être d'écrire, et surtout d'enseigner. Et c'est ce qu'il fait ici. Et alors il construit ce qu'on a appelé l'oratoire, et qui a dû servir à abriter Héloïse au premier moment, avant qu'elle ne construise on ne sait pas quoi, de façon plus permanente et plus solide. Il avait certainement une affection particulière pour cet endroit, puisqu'il l'a appelé le Paraclet. Vous savez que le Paraclet, c'est la signification qui signifie que le Saint-Esprit est consolateur, protecteur, etc. Donc il était ici sous l'autorité, si on peut dire, du Saint-Esprit consolateur. C'est lui qui a appelé cet endroit comme ça. Et donc il a écrit d'ailleurs qu'il trouvait consolation à ses malheurs ici. Voilà, il trouvait consolation à ses malheurs. Pierre Abélard arrive donc dans cet endroit en ermite, et puis très rapidement, en fait, sa célébrité le rattrape. Et il est tellement connu que ses élèves suivent. Il faut savoir que c'est facile de venir à Paris à l'époque, c'est lent, mais c'est facile parce qu'on vient par le coche d'eau. Alors, le quoi ? Le coche d'eau. Qu'est-ce que c'est ? Ben, c'est une péniche qui est tirée par des chevaux de bât le long de la rivière de la Seine. C'est probablement comme ça que se faisait le trafic. Alors, pour revenir à l'endroit qui a été choisi ici pour fonder un monastère, c'est un endroit un peu prédestiné puisque on est sur le chemin des grandes foires médiévales. Donc, c'était pas très difficile de venir ici. Et ici, il y avait un monde fou qui circulait tout le temps. Et donc tout ça a dû aider l'abbaye à se développer rapidement à partir de l'installation d'Héloïse. Pourquoi est-ce que Pierre Abélard quitte le Paraclet? On le propose d'être abbé. Il est promu. Alors il peut y avoir plusieurs types de motivations. La première, c'est qu'il était moine de Saint-Denis, donc il obéit aux ordres du patron. La deuxième, c'est qu'effectivement, d'aller à Saint-Gildas-de-Ruisse, c'était une promotion importante pour un moine. C'est sur la presqu'île de Ruisse qui ferme le golfe du Morbihan. On l'a nommé abbé de Saint-Gildas de Ruisse en Bretagne. Abélard adorait enseigner et il arrive chez des moines bretons qui se fichaient complètement de l'écouter. Ces moines étaient des moines concubinaires, étaient négligents vers la liturgie. Finalement, ils se mettent à le détester au point qu'on l'empoisonne deux fois. Une fois, un vin est versé dans son calice. Je ne sais pas comment il s'en est tiré, mais une autre fois, on trouve un poison. Le clerc qui l'accompagnait mange à sa place et il meurt empoisonné. On est maintenant en 1132, on est à peu près 15 ans après la castration d'Abélard, et Abélard écrit une autobiographie sous forme de lettres qu'il appelle « Historia Calamitatum », l'histoire de mes malheurs. C'est un appel au secours, tirez-moi de là, je veux rentrer à Paris, je veux avoir mon cercle d'étudiants et pouvoir travailler. Cette histoire de mes malheurs est adressée donc à un ami qui le transmet à Héloïse. Donc il revient à Paris, et c'est là où, oui, quand il écrit donc le récit de ses malheurs, Héloïse se plaint aussi que Abélard n'ait pas pris soin d'elle, puisqu'elle, pendant ce temps-là, s'est fait chasser d'Argenteuil par l'abbé Suger de Saint-Denis, qui récupère Argenteuil en chassant Héloïse. Et où est-ce qu'elle va, Héloïse, alors ? Alors, c'est à ce moment-là, Abélard lui donne le Paraclet. La fondation du Paraclet, qui était prévue pour être une petite fondation temporaire, devient un lieu permanent de résidence pour Héloïse et les sœurs d'Argenteuil, qui doivent quitter Argenteuil. Est-ce que ce don-là du Paraclet, c'est une preuve de l'amour d'Abélard pour Héloïse ? Alors, l'amour, il n'y a aucun doute sur le fait qu'il y a des relations affectives qui ont continué. Là, c'est plus que de l'amour, c'est aussi de prendre soin d'elle. Et c'est prendre soin, et du coup, d'avoir aussi... de rajouter dans leurs relations, il y a le lien donc affectif, le lien de mariage, hein, même si le mariage a été rompu par l'entrée en religion, il demeure époux, et donc il prend soin d'elle à ce titre-là, et en tant que maintenant aussi, d'un point de vue religieux, il lui donne une fondation religieuse. Donc il y a, même si la fondation sera totalement féminine, il n'y a pas un abbé masculin qui supervise le Paraclet, et Héloïse en deviendra l'abbesse une fois que la fondation sera stabilisée, mais il est le conseiller, le guide spirituel, donc elle lui demande des conseils spirituels. Elle lui demande une très longue règle. Abélard écrit un traité gigantesque, et elle dit non, ça ne nous va pas du tout, et elle adapte des institutions cisterciennes, donc d'un autre ordre religieux, pour sa fondation. Quel âge il a, Abélard, à ce moment-là ? Abélard, il est né en 1079. Donc, en 130, il a 51 ans. Oui. Et Héloïse ? Et Héloïse serait née en 1101. Donc, elle a une trentaine d'années, quelque chose comme ça. Elle a une trentaine d'années. Et ils vont mourir à peu près au même âge, une soixantaine d'années tous les deux. D'accord. C'est un âge avancé pour l'époque. Annie Cazenave, comment réagit Héloïse à la lecture de l'histoire de mes malheurs d'Abélard ? Héloïse reconnaît, on le lui envoie, elle reconnaît l'écriture, elle a un choc, ça fait 10 ou 12 ans qu'ils ne se sont pas vus, la question reste posée. Il est très probable qu'en effet, il était resté dans son abbaye, il ne lui a pas écrit à elle, elle a été jalouse, et donc elle lui écrit, et il lui répond, côté, et ce sont deux lettres d'amour, et dont nous avons deux versions de leur histoire. Hein. Je vous dis, il y a 10 pages qui concernent Héloïse dans sa vie entière, et Héloïse, il est sa vie. Et donc, il y a donc un échange qui est sur leur amour proprement, ensuite de quoi il répond à côté, et alors elle comprend. Et donc, elle fait ce que fait n'importe quelle femme, elle lui parle de ce qui l'intéresse, c'est-à-dire de l'abbaye. Alors là, il est prolixe, il invente une règle, il lui fait une prière, etc. Héloïse, dans ses lettres à Abélard, elle parle beaucoup de leurs expériences sexuelles. Oui. Elle dit qu'elle se souvient des endroits où ils l'ont fait, oui. Des moments, elle se souvient des rêves érotiques. Il lui arrive de repartir, disons, dans ses souvenirs pendant la messe, que je trouve assez joli tout de même. Et Abélard, il lui répond à ça ? Est-ce qu'il a les mêmes sentiments ? Est-ce qu'il est tiraillé par les mêmes choses, Abélard ? Il est tiraillé par sa culpabilité. Je pense que le caractère d'Abélard a été profondément changé par ce qu'il a subi physiologiquement. Il n'était certainement plus le même homme. Les désirs qu'avait Héloïse, ça lui était passé par-dessus la tête. Il était maintenant uniquement moine. C'est tout le problème d'Héloïse. Ces voluptés de l'amour que nous avons goûtées ensemble m'ont été si douces que leur souvenir ne peut s'effacer de ma mémoire. Quoi que je fasse, elles s'imposent à mes regards avec les désirs qu'elles réveillent. Même dans la solennité de la messe, voilà que les obscènes fantasmes de ces voluptés se rendent maîtres de mon misérable cœur. Je devrais gémir des fautes que j'ai commises, mais je soupire à l'idée de celles que j'ai manquées. Non seulement ce que nous avons fait, mais les lieux et les instants où nous l'avons fait sont fixés avec toi dans mon esprit. Même quand je dors, je ne puis m'en défaire. Parfois, même les mouvements de mon corps laissent voir les pensées de mon âme. Elles se trahissent en paroles involontaires. Chez moi, ces voluptés ont allumé le brasier de la chair. Tu sais à quelle turpitude ma libido immodérée avait asservi nos corps. Tu avais beau ne pas vouloir, tu étais trop faible. Le plus souvent, je t'obligeais à consentir par des menaces physiques et en te donnant du fouet. J'étais tellement attaché à toi par l'ardeur de ma concupiscence que je faisais passer ces misérables et immondissimes voluptés. J'en rougis encore, rien que d'en parler, avant Dieu et avant moi-même. On ne voyait plus comment la clémence divine allait pouvoir s'y prendre autrement qu'en me privant de ses voluptés. Héloïse, elle est sincère. C'est pas du tout de la complaisance. Elle ne veut pas être une héroïne, elle ne cherche pas à être une grande ascète, mais elle veut au moins être claire avec elle-même et elle dit tout, elle confesse tout. Et donc elle dit le fait qu'elle a des souvenirs involontaires qui lui reviennent. Alors c'est un grand débat à l'époque, on est en plein dans une discussion sur qu'est-ce qu'est le péché, quand commence le péché, est-ce qu'il y a, c'est une théorie qui se développe au XIIe siècle, il y a au fond des mouvements involontaires de l'esprit ou du corps qui ne sont pas contrôlés et donc qui ne sont pas des péchés. Ça fait partie de cette discussion. Et elle essaye de dire qu'il y a elle a beau vouloir se confesser, il y a involontairement des souvenirs qui lui reviennent. On a l'impression que Héloïse parle de leur amour au présent et qu'Abélard en parle au passé. C'est exactement ça. Héloïse, c'est du présent et pour lui, c'est du passé. Et elle souffre évidemment de ce qui est leur passé. Et finalement, c'est ambigu puisqu'il a bien demandé, il lui écrit « Celui qui est toujours tien » quand même, et il a demandé d'être enterré au Paraclet. Il était allé porter plainte à Rome et il s'est arrêté à Cluny qui devait être une étape. Pierre le Vénérable, qu'il admirait, l'a hébergé et il est resté définitivement à Cluny. À mon avis, c'est parce qu'à Cluny, il y avait une bibliothèque. Et d'ailleurs, Pierre le Vénérable dit qu'il est mort, la tête penchée sur son livre. C'est superbe. Attention aux têtes. C'est Saint-Pierre avec deux petites croix qui a été mise là, probablement une pierre de récupération sur le terrain, dans le cimetière peut-être démonial, qui a été mise là pour rappeler que des gens célèbres avaient été enterrés dans cet endroit ou pas loin de cet endroit pendant 600 ans avant de quitter cet endroit pour aller maintenant être au cimetière du Père-Lachaise. Quand est-ce qu'il est mort, Pierre Abélard ? Abélard, il serait mort en 1142 à Saint-Marcel-les-Chalons, près de Chalon-sur-Saône, dans un prieuré qui dépendait de l'abbaye de Cluny. Et Héloïse serait morte en 1164, je crois, ou 62, je ne sais plus, ici au Paraclet. Elle avait une soixantaine d'années. Héloïse aurait appris sa mort par Pierre le Vénérable et aurait demandé que son corps soit transféré ici. Et d'aucuns disent que Pierre le Vénérable, par respect et sachant qu'Abélard était très attaché au Paraclet, puisque c'est lui qui l'avait fondé, c'est lui qui avait donné ce nom à cet endroit, a accepté de transférer le corps d'Abélard ici, contre l'avis de ses moines, parce que je crois savoir que c'est important pour une abbaye d'avoir des gens célèbres enterrés chez eux, ça fait venir des pèlerins. Et il l'a fait par respect pour Héloïse Abélard, probablement. C'est pour ça qu'Abélard a été enterré ici pendant 600 ans. Elle demande à être enterrée dans le même cercueil qu'Abélard ? Mais on dit qu'elle a été mise dans le même caveau qu'Abélard, ou dans le même cercueil qu'Abélard, et que même si 20 ans s'étaient passés entre les deux, quand on a mis le corps d'Héloïse dans le caveau d'Abélard, il lui aurait ouvert les bras. Donc c'est la légende locale, ça. Et je pense que c'est même que de la légende. Sauf que, effectivement, quand on balance un corps sur un autre corps qui est mort depuis 20 ans, je pense que, effectivement, on peut provoquer des réactions du squelette. Même si je ne suis pas médecin, j'imagine une chose comme pareille. C'est beaucoup plus joli de dire qu'il lui a ouvert les bras. Abélard et Héloïse, tous les deux, sont des personnages importants. Abélard devient même une sorte d'image de l'histoire de la raison. Hein, c'est une sorte de le chevalier de la raison dans l'obscurantisme du Moyen-Âge. Hein, c'est l'idée qu'on se fait de lui. Et puis surtout, pour ce modèle de relation amoureuse, donc avec l'amour romantique, ça devient une figure, un couple d'amoureux par excellence. Et elle invente quelque chose qui est tout à fait inouï, qui est une relation d'amitié entre un homme et une femme, entre égaux. Il y a dans l'échange de lettres 5 cas où dans la salutation elle dit d'égal à égal ou d'amant à amant, alors que normalement il y a une hiérarchie qui est respectée. Voilà. Donc il y a quelque chose. Elle invente cette vision d'une relation d'amitié qui va plus loin que de l'amitié simplement, qui est fondée aussi sur donc la reconnaissance des vertus de l'autre, un engagement qui doit être irréversible. Donc c'est plus fort qu'un mariage, il n'y a pas de sacrement dedans, mais c'est un engagement personnel, volontaire, fondé sur un choix électif entre deux personnes. Ce qui fait qu'au moment de la création du cimetière du Père Lachaise, on transfère les restes au Père Lachaise. Annie Cazenave, où est-ce qu'ils sont enterrés, Louise et Abélard ? Quand on a fondé le Père Lachaise, l'architecte, pour attirer les gens qui n'étaient pas tellement pressés de venir se faire enterrer dans ce qui était hors Paris, est allé exhumer les restes des deux amants et a fait un tombeau. Alors je tiens à vous montrer ce délicieux livre « Lettres et épîtres amoureuses d'Héloïse et Abélard, tome 1er ». Ce sépulcre, c'est du gothique, en l'honneur de Héloïse Abélard, qu'il y ait ou non leurs ossements, ça importe peu. En tout cas, c'est la légende qui était déjà inscrite et qui a fleuri encore plus. Et vous voyez, au pied de ce tombeau, il y a un couple d'amants qui s'embrassent. Le pèlerinage au tombeau des amants, je pense que c'est leur malheur qui ravissait les gens. Maintenant, nous sommes dans une époque où on aime le bonheur, et je crois qu'on va plutôt fermer un cadenas sur le pont des arts. C'était le deuxième épisode de Héloïse et Abélard, histoire de leur malheur, avec Annie Cazenave, Sylvain Piron, Martine et Charles-François Valkener, et Amandine Postec. Lecture, Pauline Ziadé, Cécile Arnaud, Jean-Laurent Bourrel, et Éric Herson-Macarel. Prise de son, Yves Lehors, Thomas Robin. Mixage, Bernard Laniel. Merci à Alice Tomine-Berada et aux Beaux-Arts de Paris, à Jean Guéreski et à Claude Castin-Maudinet. Une histoire particulière, coordination Christine Bernard, attachée de production Daphné Abgral, avec la collaboration de Maude Jussaume. La foire en partage, Laurent Polleret, Romain Weber. Une histoire particulière, c'est fini. Je vous retrouve samedi prochain à 13h30. Nous irons au sommet du monde, mais c'est une autre histoire.